Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Deuxième épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. Belfast, 15 avril 1941. Oncle Lawrence vivait près de Cliftonville, dans le nord de Belfast. Un ghetto catholique, un bastion nationaliste cerné par les quartiers protestants loyaux à la couronne britannique. Il était veuf, sans enfant, et possédait deux maisons, l'une à côté de l'autre, avec une cour commune. La première était son atelier de ramonage, et il vivait dans la deuxième. Je n'avais jamais vu des rues aussi étroites. Des alignements de briques aussi sinistres, rectilignes, voilà à l'infini. À chaque famille, son clapier. Senna, Tyrone, les garçons en bas. Moi, je dormirai dans l'atelier. Et je garderai votre clé. À Belfast, on ferme sa porte à clé. Nous habitions au 19 Sunday Street. Ma mère s'est installée avec Roisin, Mary, Ronnie et bébé Sarah dans une chambre du haut. Petit Kevin, Brian et Neil avaient pris l'autre, avec fenêtre sur la cour. Shane et moi avions posé notre matelas au rez-de-chaussée, dans le salon. Tout était humide. Le papier peint se décollait. La cheminée tirait mal. Mais nous avions un toit. Pour notre première soirée, Lawrence avait préparé un ragoût de mouton et de choux. Nous nous sommes assis par terre, sur les matelas, dans le fauteuil et le canapé, les assiettes sur nos genoux. J'avais faim. Seigneur, faites que notre assiette soit toujours pleine, que notre verre soit toujours rempli. Faites que le toit sur nos têtes soit suffisamment solide et que nous arrivions au paradis une petite demi-heure avant que le diable apprenne notre mort. Amen. J'ai tout de suite aimé cet homme-là. Il a coupé le pain et l'a distribué honnêtement. Remerciez votre oncle. Merci. Merci. Après le repas, Shaina et moi sommes sortis dans la rue. Un peu partout, des hommes parlaient, adossés au mur. Chaque fois que quelqu'un passait, les autres le saluaient. Tous s'appelaient par leur prénom. C'était comme dans notre village. Je venais d'avoir 16 ans. Et ce soir-là, le premier de ma nouvelle vie dans une Irlande qui n'était pas encore la mienne, j'ai rencontré Sheila Costello. Elle avait 14 ans. C'était ma voisine de gauche en remontant la rue. Elle était grande. Elle avait les cheveux noirs, courts, les yeux verts comme l'eau d'un étang et son sourire. J'ai embrassé Sheila quelques jours plus tard, un dimanche, dans l'obscurité, juste après l'Angélus. Elle s'était baissée légèrement pour que nos lèvres se rejoignent. C'est juste un baiser. Faut ni aller plus loin, ni recommencer. Compris, Wiman ? Wiman, petit homme. C'est comme ça qu'elle est devenue ma femme. Tu ne sais pas qu'on est en guerre, m'avait dit l'anglais. Vite. Ce soir-là, 15 avril 1941, allez. Nous l'avons su. Oh, tu es Brian. Brian, il a les yeux tournés, il est mort. Non. Brian. Il est choqué, je vais le porter. Allez. N'ayez pas peur. Les Allemands sont déjà venus. Maman. Et bombardent pas nos quartiers. Ce qu'ils veulent, c'est frapper les riches, pas les miséreux. Dépêchez-vous, Shaina, Tyrone. Où est petit Kevin? Viens. Prenez les prix avec vous, allez. Petit Kevin. Petit Kevin, viens. Allez, allez, sortez. Au bout de la rue, une explosion immense. Un bouquet blanc a éventré la chapelle où nous allions nous réfugier. Le bruit de la guerre. Le vrai, le sidérant. Nous avons formé un cercle de peur, d'eau, danger. Lawrence s'est agenouillé. Maman et les plus jeunes au centre. Shaina, Roisin, Mary, mon oncle et moi les protégeant. Nous étions enlacés, tête contre tête, et les yeux fermés. Maman ne brillait plus. Elle avait quitté cette paix familière. Elle hurlait à Marie, comme on hurle à la mort. Nous sommes restés là jusqu'à ce que la guerre se lasse. Les avions sont repartis. Ils ont disparu derrière les montagnes noires. Et nous sommes rentrés au milieu des gravats. Notre rue était intacte. Des maisons brûlaient juste derrière. Tout le nord de la ville avait été broyé. Au matin, avec Shaina et mon oncle, j'ai marché dans Belfast pour la première fois de ma vie. Partout le bruit du verre, de l'acier bousculé, des gravats éboulés. Des fumées blanches et grises, le feu qui paraissait sous les décombres. Des hommes erraient, mains noires, visage de suie, pantalons et manteaux couverts de cendres. D'autres se tenaient au carrefour, seul à seul, sans un mot. Le regard en débris. Peu de femmes. Et puis j'ai vu mon premier mort de guerre, à quelques mètres de là. Regarde pas, Tyrone. Je vais voir. Laisse-le, Shaina. J'ai regardé. Le bras d'une femme avec sa chemise de nuit soudée à la chair dépassait d'une couverture. Sa main aux ongles faits, sa peau qui pendait du coude comme une manche arrachée. Nous sommes passés tout près. La forme de sa tête sous l'étoffe, sa poitrine, et puis plus rien. La couverture affaissée au niveau de sa taille. Plus de jambes. Écoutez-moi ! L'Irlande du Nord n'est pas protégée ! N'importe quelle ville anglaise a des abris ! Une défense antiaérienne, des troupes, des vrais pompiers ! À l'angle de Victoria Street et Dan Street, juché sur un parpaing, un homme apprenait les passants à témoin. Une vingtaine dans tout l'Ulster. Et cette nuit, il y avait plus de 200 bombardiers au-dessus de nos têtes. Et le meilleur des Fritz, hein, des Junkers, des Dornier. Et nous, on avait quoi, nous? Falté de papiste. Imbécile. Je suis un protestant loyal, britannique, comme toi. Membre de l'Ordre d'Orange de Coleraine. Alors ne viens pas me faire l'accent. Un protestant. Imbécile. C'était la première fois de ma vie que j'en voyais un. Allez les enfants, on continue. Avec la guerre, nous savions que vivre dans le nord de Belfast deviendrait difficile. Ça a commencé en août 41, par quelques pierres jetées contre la porte. Chaque nuit, des protestants se faufilaient dans notre quartier et barbouillaient les façades. Dehors, les traîtres papistes, catholiques et galliras. Mon oncle Lawrence gardait un gourdin près de son lit. Et Shaina, mon frère aîné, glissait sa crosse de hurling sous le matelas. Les loyalistes nettoyaient leurs rues. Ils étaient protestants, britanniques, en guerre. Nous étions catholiques, irlandais et neutres, donc des pleutres ou des espions. Ils disaient qu'en Irlande du Nord, nous étions la cinquième colonne. les artisans de l'invasion allemande. Nous étions des étrangers, des ennemis. Nous n'avions qu'à repasser la frontière ou nous entasser dans nos ghettos. Mais Lawrence refusait de partir. Le dimanche 4 janvier 1942, nous étions en train de faire nos prières du soir lorsque les protestants sont entrés dans Sandy Street. Les filles sont descendues du premier étage en hurlant. Maman tenait bébé Sarah par une jambe, tête en bas. Shayna avait sa crosse de hurling en main. Nous étions 11 les uns sur les autres, réfugiés entre un canapé renversé et le mur. Ils auraient pu nous tuer. Ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont enjambés, ignorés. Ils saccageaient le familier sans un mot. Ils ont même arraché la tête de Dolly Tom, le doudou de bébé Sarah. Demain, vous dégagez les lieux. Ils ont tout désolé, et puis ils sont partis. Ça y est, on y est. Dolper Lane. Il était 4h du matin. Le 6 janvier, les portes se sont ouvertes presque ensemble, comme si le quartier nous attendait. Les femmes avaient enfilé un manteau sur leurs vêtements de nuit. Des hommes ont baissé le haillon arrière pour sortir ce qui restait de nous. Maman avait bébé Sarah pour fardeau, et aussi notre vierge en plâtre, qu'elle tenait serrée contre son enfant. Une femme les a enveloppés dans une couverture. Tyrone, prends ce matelas. Tu veux de l'aide ? Allez, à trois. C'était un grand type brun, à peine plus âgé que moi. Il a soulevé le matelas de ma tête et nous l'avons porté ensemble jusqu'au numéro 17. Une porte noire et rouge qui avait été ouverte pour nous. Voilà. C'est pas grand, mais ça vous permettra de souffler. On ne craint rien ici, n'est-ce pas ? Ici ? Vous êtes en plein cœur du ghetto, madame. Ici, c'est chez nous. On est protégé par notre nombre. Et par l'IRA. L'IRA. J'ai frémi. Ce n'étaient plus trois lettres noires bavées sur notre mur à la peinture haineuse. Ce n'était plus une condamnation entendue à la radio. Ce n'était plus une crainte, une insulte, l'autre nom du démon. Mais c'était un espoir, une promesse. C'était la chair de mon père. Sa vie entière. Sa mémoire et sa légende. C'était sa douleur, sa défaite, l'armée vaincue de notre pays. Jamais je n'avais entendu ces trois lettres prononcées par d'autres lèvres que les siennes. Et voilà qu'un gaillard de mon âge osait les sourire en pleine rue. L'IRA. Soudain, je l'ai vu partout. Dans ce fumeur de pipe chargé de couverture. Ces femmes en châle qui nous entouraient de leur silence, ce vieil homme accroupi sur le trottoir qui réparait notre lampe à huile, je l'ai vu dans les gamins qui aidaient à notre exil, je l'ai vu derrière chaque fenêtre, chaque rideau tiré pour tromper les avions, je l'ai vu dans l'air épais de tourbe, dans le jour qui se levait, je l'ai senti en moi. En moi, Tyrone Meehan, 16 ans, fils de Patrick et de la terre d'Irlande. Chassé de mon village par la misère, banni de mon quartier par l'ennemi, l'IRA, moi. J'ai tendu la main au jeune type, comme deux hommes qui concluent un marché. Il l'a regardé, m'a regardé, a hésité. Et puis, il a souri une fois encore. Sa paume était glacée, ses doigts fermes. Tyrone Meehan. Tom Williams. Lieutenant Thomas Joseph Williams, compagnie C. 2e bataillon de la brigade de Belfast de l'armée républicaine irlandaise. J'ai 19 ans. Appelle-moi simplement Tom. Le 10 janvier 1942, 4 jours après notre arrivée à Dolper Lane, j'ai rejoint l'IRA. Enfin, pas l'IRA, pas tout à fait. J'étais trop jeune et personne dans le quartier ne nous connaissait. Être chassé par les loyalistes n'était pas suffisant pour instaurer la confiance. Comme Tom avant moi, comme de nombreux volunteers de l'IRA, j'ai d'abord rallié les Nafina Éireann, les scouts de la République. Depuis 1939, Léfina était très affaiblie. Interdit en République et en Irlande du Nord, pourchassé, interné des deux côtés de la frontière. Chaque quartier républicain avait sa propre unité de jeunes. L'IRA était divisée en brigades et en bataillons. Nous étions rassemblés en common. Notre local de Kane Street était minuscule et sombre. Une table, quelques chaises et un ring de boxe. Cela ressemblait plus à une salle de sport qu'à un quartier général républicain. Je passais mon temps entre les cordes, poings levés à hauteur des yeux. Nous apprenions à cogner sans hésiter et à recevoir sans gémir. Notre chef s'appelait Daniel Danny Finley. Un gars sans émotion, sans chaleur ni mot de trop. Il avait mon âge. Sa famille avait fui le quartier de Short Strand après le lynchage de Declan, son frère jumeau, par des loyalistes. Je respectais Daniel, mais il me faisait peur. À la boxe, il cognait sec. J'étais content d'être dans son camp. Dans celui de la République irlandaise, de James Connolly, de Tom Williams, dans celui de mon père. Je plaignais sincèrement les gars qui nous avaient en face. Un samedi de février 1942, j'ai participé à ma première opération militaire. Depuis quelques mois, le commandement du Nord rassemblait toutes les armes cachées en République depuis la guerre d'indépendance. Des volunteers passaient la frontière de nuit pour livrer le matériel aux bataillons de Belfast. Salut les gars. Aaron, Danny, venez par là. Tu sais siffler, Tyron? Bien sûr, Tom. Vas-y, montre-moi. Ça ira. Danny et Tyron, vous serez en sentinelle ce soir. Bien joué, les gars. Bravo. Allez, suivez-moi. Tyron, en cas de danger, je veux qu'on t'entende jusqu'à Dublin. Tom m'a indiqué l'angle des rues O'Neill et Clarned en me lançant un Slater blanc bordé de noir. Une balle de hurling dédicacée par l'équipe d'Arma. Pourquoi me donner une contenance? J'ai pris ma position et j'ai lancé le Slater contre le mur, le faisant rebondir dans ma paume comme un gamin qui fait passer le temps. Tom a continué sa route. Daniel Finley s'est posté de l'autre côté de la rue, regard tourné vers Odessa Street. Un vélo l'attendait, roues en l'air et chaîne déraillée. Mon camarade s'est agenouillé, comme s'il le réparait. Merci. Une jeune fille s'est dirigée avec son officier jusqu'au coin de Forbes Road. Et ils sont restés là, sous un porche, comme des amoureux. Tout s'est passé très vite. Deux voitures se sont arrêtées. Huit hommes sont descendus en courant. Les bras lourds. L'IRA. Quatre ont tourné dans Odessa Street. Les autres sont passés devant moi. Je n'ai pas reconnu celui qui soufflait mon nom. Pas même regardé. Je surveillais mon coin d'Irlande, ma rue de briques, mon carré de petits soldats. J'ai seulement vu l'acier des canons, accroché par la lumière d'une fenêtre aux rideaux mal tirés, des fusils. Les fusils de la guerre, les armes de la République. Tom est revenu seul. Il est passé à ma hauteur. Il sifflait « God save Ireland ». Il est remonté vers Clarned. J'étais presque déçu. J'avais imaginé un clin d'œil ou un mot. En face, Daniel redressait son vélo et s'en allait aussi. La 11e fois qu'il était sentinelle. Il savait comment tout cela se finissait. Tu peux m'appeler Danny ? J'ai mis le Slater dans ma poche et je suis retourné à Dolper Lane. Je marchais différemment. J'étais un autre. J'ai croisé un couple, une femme et son enfant, une jeune fille qui portait son masque à gaz en bandoulière comme un sac à la mode. Ils ne m'ont pas remarqué, alors que j'étais un Fina, un guerrier irlandais, un soldat de l'IRA presque. Dans quelques jours, à 17 ans, j'irai rejoindre Tom Williams et les autres. C'est moi qui serai dans la rue, courant dans la nuit froide avec mon fardeau de bataille. Moi qui frôlerai un Fina auxiliaire en short et bouche ouverte. Moi qui lui glisserai son prénom en confidence. Moi qui le regarderai s'évanouir dans notre obscurité. Ce serait moi, Darren Meehan. Et je sifflerai « God save Ireland ». Billy Beggs, 25 décembre 2006. Ce matin, deux policiers irlandais sont venus me voir. Ils étaient embarrassés. J'étais ivre. Vous êtes Aaron Meehan ? Oui. De retour au pays ? Vous comptez rester ? Oui. Vous vivez seul ici ? Oui. Et... vous prenez des précautions. C'était une question, monsieur. Vous avez peur de vous retrouver avec un cadavre sur les bras ? Écoutez, je pense oui. pas... Oui. C'est petit, ici. Les gens ont de la mémoire. On vous a reconnu. Ça commence à causer. Je suis jugé, alors, c'est ça. Killybeg, c'est un village paisible, Meehan. Ils n'ont pas envie d'être pris entre deux feux. Vous comprenez ? Ni Tyron, ni monsieur. Rien d'autre que Meehan. Le vieux policier irlandais était glacial, comme un gars de l'Ira. Je me suis raidi. Et puis je me suis mis à trembler. Mon prénom errait encore timidement sur les lèvres du jeune, et mon nom heurtait déjà celle de l'autre. Je n'étais plus de cette terre. Ce village non plus. Patrick Meehan avait offert un traître à Killybegs. Après le père monstrueux, le fils indigne. Notre race était maudite. Ce vieux flic fermerait les yeux quand la mort s'avancerait pour moi. Il la guiderait dans la forêt, lui ouvrirait ma porte, me désignerait d'un geste du menton. Je le dégoûtais, et il savait que je le savais. Mon silence le lui disait en face. Finalement, ma peur plantée dans son mépris, je lui demandais son prénom. Shaina. C'est le prénom de mon frère. Il a souri. Tenez. Un vrai sourire. Voilà, au téléphone, vous pouvez une bonté. Soyez prudent, Tyrone. Tout a chaviré. Son visage n'était plus le même. Son front disait le tracas. Il s'inquiétait pour moi, tout simplement. Un brave gardien de la paix. Un flic de campagne, sans malice, sans écœurement. Pressé de retourner auprès des siens. Je m'étais trompé. À force de mensonges, je ne savais plus lire les hommes. C'était « Retour à Killybegs » de Sorge Chalandon avec Marc Barbet, Léo Allard, Valérie Moinet, Rémi Goutalier, Norbert Ferrer, Ferdinand Pierrot, Léo Reynaud, Jean Ocotrel, Tobias Nuiten, Thomas Pontier. Merci au capitaine Bassot et au personnel du camp de gendarmerie de Benne. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminque, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Killybegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions. Sad I kissed a weed hues, her eyes. arms around me clinging. When to my ears that fateful shot came out of the wildwood ringing. The bullet pierced my true love's breast in life's young spring so early.